Depuis plus de 5 ans déjà, je me suis penché sur la musique dans les mémoires de Saint-Simon. On le sait, le travail avait été fait pour Danjou, pour Sourche, pour Luynes, même au XVIIIe. Et j'étais intrigué depuis bien longtemps par quelques passages splendides sur la musique chez Saint-Simon. Et j'ai décidé de compléter ces découvertes par une lecture intégrale attentive. Donc le corpus qu'on peut en extraire, c'est évidemment un corpus avec musique plutôt qu'un corpus de musique. Mais c'est bien en cela que c'est intéressant. Et plusieurs parcours sont possibles au sein des mémoires. Plusieurs parcours musicaux, chorégraphiques aussi, sont possibles au sein des mémoires. Tout d'abord, les récits de cours, qui sont souvent des récits, des anecdotes, là aussi avec musique plutôt que des anecdotes de musique. Les portraits, bien sûr, puisque bien des personnages décrits par Saint-Simon sont présentés, on pourrait dire, avec les attributs de la musique ou de la danse. Le langage également, qui est un aspect important, parce que Saint-Simon utilise tout un arsenal d'images, de métaphores issues du vocabulaire du monde du spectacle, de la musique, de la danse, du théâtre, qui a sans doute pas été assez étudié, et comme aujourd'hui, bien sûr, les lieux de musique, et également les lieux avec musique, plutôt que les lieux de musique. Donc, petite visite guidée au sein des mémoires. Pour rappel, qui vont de 1691 à 1723, je parlerai précisément de la période de 1692 à 1722. Donc, je dépasse le cadre temporel de ce colloque, mais il est difficile de parler d'un tel sujet chez Saint-Simon sans évoquer la Régence. Donc, je parlerai d'abord du règne de Louis XIV en trois parties. D'abord, la musique chez le roi, musique profane et la danse, les appartements versaillais, mariage princier, puis les divertissements de carnaval. La musique à la chapelle avec la messe quotidienne du roi et le temps de Noël. Hors de chez le roi avec deux châteaux en Île-de-France, Petit-Bourg et Sceaux. Ensuite, en campagne militaire, lorsque Saint-Simon était en campagne militaire. Et puis à l'étranger. Et je termine le règne de Louis XIV par ce magnifique texte de Saint-Simon, presque au milieu des mémoires en 1715, qui s'intitule Espèce de journal du roi jusqu'à sa fin, que je pense que vous connaissez bien. Et puis pour la période de la Régence, deux parties, l'Opéra de Paris et puis les bals à la cour de Philippe V d'Espagne. Le règne de Louis XIV. Donc pour ouvrir, je vais jouer une pièce qui a été publiée 2 ans avant le début des mémoires, en 1689, par Jean-Henri d'Anglebert, qui est à mettre en rapport avec l'une des phrases les plus connues de Saint-Simon sur Louis XIV, que je ne résiste pas au plaisir de vous citer, même si vous la connaissez sans doute. Saint-Simon. Lui-même, sans avoir ni voix ni musique, chantait dans ses particuliers les endroits les plus à sa louange, des prologues, des opéras. On l'y voyait baigner, et jusqu'à ses soupers publics, au grand couvert où il y avait quelquefois des violons, il chantonnait entre ses dents les mêmes louanges quand on jouait les airs qui étaient faits dessus. Donc Jean-Henri d'Anglebert, ouverture de Cadmus, d'après Lully, bien sûr. Chez le roi, Versailles, Trianon, Marly et Fontainebleau, quelques exemples bien sûr au sein des mémoires. Pour la musique profane et la danse, Tout d'abord, la musique aux appartements versaillais. L'année 1692 commence pratiquement par ce texte de Saint-Simon. Ce qu'on appelait appartement était le concours de toute la cour depuis 7 heures du soir jusqu'à 10, que le roi se mettait à table dans le grand appartement, depuis un des salons du bout de la grande galerie jusque vers la tribune de la chapelle. D'abord, il y avait une musique. Alors, ce que nous apprend Saint-Simon, c'est que bien souvent, on allait à la musique non pas pour l'écouter, mais pour faire avancer ses propres affaires. C'est son cas d'ailleurs. En 1694, il chercha à se rapprocher du duc de Beauvilliers parce qu'il voulait épouser l'une de ses filles. Voici ce que dit Saint-Simon. Le soir, j'allais à la musique à l'appartement où je me plaçais en sorte que je pus toujours voir Monsieur de Beauvilliers qui était derrière les princes. Et à partir de là, une discussion s'ensuivit au moment même de la musique. On a beaucoup d'autres exemples comme ça dans les mémoires. Alors, s'il était possible de ne pas être très attentif à la musique pendant les soirées d'appartement, en revanche, il était obligatoire et a fortiori, en présence du roi, de respecter le rang de chacun. Et à l'hiver 1701, Saint-Simon parle de l'attitude irrévérencieuse de Mademoiselle de Melun, de moindre rang que les duchesses. Saint-Simon. À une musique où était le roi à Versailles, Mademoiselle de Melun, qui s'accoutumait à n'être plus si polie, se trouva la première après la dernière duchesse. Bientôt après, il en arriva une autre qui alla pour se placer et à qui tout fit place en se baissant, comme cela se faisait toujours. Mademoiselle de Melun ne branla pas et ne fit que se lever et se rasseoir. Le roi eut peine à se contenir le reste de la musique. Je trouve le fait intéressant, sans doute à l'insu de Saint-Simon. Pourquoi le monarque aurait-il eu à se contenir pendant la musique, alors qu'il pouvait en décider le début comme la fin? Sans doute, on le sait que le roi appréciait grandement la musique, il n'a pas voulu gâcher ce moment, et pour lui et pour les courtisans, puisqu'il recevait la cour d'une certaine façon dans ses soirées d'appartement. Et peut-être faut-il voir là, encore une fois, à l'insu de Saint-Simon, un petit détail supplémentaire sur le goût de Louis XIV lui-même pour la musique et pour ses musiciens. Les mariages princiers était l'occasion de musique plus fastueuse, d'opéras nouveaux, mais aussi de grands bals réglés chez le roi, qui était plus une cérémonie qu'un divertissement. On le sait, la danse faisait partie de toute l'éducation de tout aristocrate, Saint-Simon compris, qui était visiblement un bon danseur. Il y a tout un parcours de danse au sein des mémoires. À la cour, on pouvait facilement ne pas savoir chanter, ne pas savoir jouer d'un instrument. En revanche, malheur à qui ne savait pas danser lors d'un bal. Et c'est cette terrible aventure que raconte Saint-Simon lors du mariage du duc de Chartres, donc futur duc d'Orléans et futur régent, en 1692. Saint-Simon. Je ne puis passer sous silence une aventure fort ridicule. C'était le fils de Montbron qui n'était pas fait pour danser chez le roi. On lui avait demandé s'il dansait bien, et il avait répondu avec confiance, qui donna envie de trouver qu'il dansait mal. On eut contentement. Dès la première révérence, il se déconcerta, plus de cadence dès les premiers pas. Il crut la rattraper et couvrir son défaut par des airs penchés et un haut port de bras. Ce ne fut qu'un ridicule de plus qui excita une risée qui en vint aux éclats et qui, malgré le respect de la présence du roi qui avait peine à s'empêcher de rire, dégénéra enfin en véritable huée. Le lendemain, au lieu de s'enfuir ou de se taire, il s'excusa sur la présence du roi qui l'avait étourdi et promit merveille pour le bal qui devait suivre. Dès qu'au second bal, on le vit pris à danser, voilà les uns en pied les plus reculés à l'escalade, et la huée fut si forte qu'elle fut poussée au battement de main. La drôlerie de l'aventure, je pense, ne doit pas en faire oublier la portée sociologique. Ici, tout est dit dans le fait que, selon Saint-Simon, le personnage n'était pas fait pour danser chez le roi. C'était pour lui une sorte de tare originelle. Ceux qui ne savaient pas danser révélaient ainsi de cette façon qu'ils n'étaient pas bien nés. Indignes de paraître à la cour, ils étaient pour Saint-Simon comme les « bâtards », entre guillemets, de ce spectacle si puissamment réglé. Savoir danser chez le roi, c'était savoir y vivre. En 1697, pour les noces du duc et de la duchesse de Bourgogne, le mémorialiste évoque l'opéra Dissée d'André Cardinal des Touches à Trianon. Le mardi 17 décembre, à l'issue des deux bals, du mercredi 11 et du samedi 14, voici ce que dit Saint-Simon. Toute la cour alla sur les 4 heures à Trianon, où on joua jusqu'à l'arrivée du roi et de la reine d'Angleterre. Le roi les mena dans une tribune où on montait sur la salle de la comédie de chez Madame de Maintenon, qui monta aussi avec Monseigneur le duc de Bourgogne et Madame la duchesse de Bourgogne, ses dames et celles de la reine. Monseigneur, Monsieur, Madame et tout le reste de la cour étaient en bas dans la salle. L'opéra Dissée de Des Touches, fort beau, y fut très bien joué. L'opéra fini, chacun s'en retourna et par ce spectacle finirent toutes les fêtes du mariage. Saint-Simon, qui n'écrit pratiquement jamais de commentaires sur un opéra, trouva celui-ci fort beau et très bien joué. Des Touches avait-il rencontré Saint-Simon quelques années plus tôt? En 1691, Saint-Simon entrait dans la première des compagnies des mousquetaires du roi, les mousquetaires gris. Un an après, Des Touches, de 3 ans son aîné, intégrait quant à lui la seconde, les mousquetaires noirs. Tous les deux participèrent notamment au siège de Namur en juin 1692. Est-ce que, d'une certaine façon, Saint-Simon a voulu envoyer un petit signe comme le récipicé d'une bataille commune à des touches. Ce qui est sûr, c'est qu'on a répertorié à sa mort, dans sa bibliothèque, parmi une soixantaine d'ouvrages lauriques, la partition d'Isée dans son édition définitive de 1708. Les divertissements du carnaval. Il n'y avait soir qu'il n'y eut bal. Par cette phrase magnifique à l'année 1700, Saint-Simon rend compte du nombre très important de bals paris ou masqués organisés des années durant à la cour, essentiellement à Versailles et à Marly, de la Chandeleur, même quelquefois un peu avant, jusqu'au Carême. Leur mention revient dans les mémoires d'une façon extrêmement régulière, comme une sorte d'incipit pour chaque nouvelle année. Pour n'en citer que quelques-uns, 1700. Dès avant la Chandeleur jusqu'au Carême, ce ne fut que bal et plaisir à la cour. 1701, c'était en janvier et il y avait des bals à Marly. 1702, l'année commença par des bals à Versailles, il y en eut quantité en masque. 1703, tant d'occupations étrangères et domestiques n'empêchèrent pas le roi de s'amuser à des bals à Marly, etc. Ces divertissements qui ne ressemblaient en rien aux grands bals réglés du roi lors des mariages princiers se composaient souvent de bals parés et surtout de mascarades. Une vraie licence y était permise grâce à l'anonymat assuré à la fois par les déguisements et par les visages cachés. Sous l'impulsion de la duchesse de Bourgogne, les carnavals furent particulièrement brillants à partir de 1700. On le sait depuis la mort de la reine et de la dauphine de Bavière, elle occupait la place de première dame du royaume et beaucoup d'aristocrates organisaient des bals en son honneur. C'est le cas en 1700 chez Monsieur le Prince, dans l'appartement même de Monsieur le Prince. Voici ce que dit Saint-Simon. « Une femme depuis fort de mes amis, qui, quoique bien jeune, commençait à pointer par elle-même à la cour, y essuya une triste aventure. Le comte d'Evreux lui avait plu, à peine commençait-on à s'en apercevoir. Un masque entra vers le milieu de bal, avec quatre visages de quatre personnages de la cour. Celui du comte d'Evreux en était un. Et tous quatre en cire parfaitement ressemblants. Il ne fut pas longtemps sans être pris à danser. En ce premier menuet, il tourna et retourna ses visages et en divertit fort la compagnie. Quand il eut achevé, voilà mon démon qui s'en va faire la révérence à cette pauvre femme en lui présentant le visage du comte d'Evreux. Ce n'est pas tout. Il dansait bien et était fort maître de sa danse, tellement qu'il eut la malice de si bien faire que quelques tours et retours qu'il fit en ce menuet, ce même visage tourna toujours si à point et avec tant de justesse qu'il fut toujours vis-à-vis de la dame avec qui il dansait. Elle était cependant de toutes les couleurs. Mais sans perdre contenance, elle ne songeait qu'à couper court. Dès le second tour, elle présente la main, le masque fait semblant de la prendre, et d'un autre temps léger, s'éloigne et fait un autre tour. Elle croit au moins à celui-là être plus heureuse, point du tout, même fuite et toujours ce visage sur elle. On peut juger quel spectacle cela donna. Enfin, elle en eut pour le triple au moins d'un menu ordinaire. Le triple au moins d'un menu ordinaire, le récit de Saint-Simon prend une saveur, toute spéciale quand on lit le Maître à danser de Pierre Rameau, publié à Paris en 1725. Voici ce que dit Pierre Rameau. « Ce n'est pas que je prétende qu'un menuet qui serait dansé un peu plus longtemps ne soit pas bon. Mais il m'a paru que, quoi qu'il soit arbitraire, en lui donnant cette proportion, il est plus que dans la bienséance. Et la raison la plus essentielle, c'est que quelque bien qu'on danse, c'est toujours la même figure. Ainsi, le plus court qu'on le peut faire, c'est le meilleur. » Donc dans un carnaval, parfois, ce n'était pas toujours le plus court qui était le meilleur, mais bien au contraire le plus long. Pour illustrer ces quatre masques, le menuet en la majeure qui termine le 9e ordre de François Couperin dans son second livre de pièces de clavecin. La musique à la chapelle, maintenant, chez le roi. On a assez peu de choses dans les mémoires de Saint-Simon sur la musique religieuse, comparativement à ce qu'il dit de la danse, notamment, et de la musique profane. On a, cela dit, deux renseignements intéressants sur la messe quotidienne du roi. Saint-Simon confirme à deux reprises l'habitude versaillaise lors de la messe quotidienne de ne chanter qu'un seul motet avant le Domine Salvum Fac Regem et non pas deux, comme on le sait au début du règne. À l'année 1710, il précise « Il était fête de Sainte-Geneviève, ce qui m'obligea à demeurer à entendre la messe du roi pour être libre après. La fin du motet et la prière pour le roi après le dernier évangile me donna lieu de sortir de la tribune avant le roi. » Et à l'année 1715, dans la partie consacrée à la matinée du roi, Saint-Simon note « Le roi allait à la messe où sa musique chantait toujours un motet. » Autre chose également, petit détail de Saint-Simon, suprême honneur pour plusieurs membres de la famille royale, Louis XIV pouvait leur prêter ses musiciens pour les messes. Il en fit bénéficier son fils Monseigneur, puis après sa mort, la duchesse de Bourgogne, dès le début du séjour de la cour à Fontainebleau en automne 1711. Saint-Simon, le roi fit en arrivant la galanterie à la dauphine d'envoyer à sa messe toute sa musique, comme l'était auparavant à celle de Monseigneur. On a un très beau texte de Saint-Simon à l'année 1715 également sur la nuit de Noël. La veillée de Noël fut l'occasion pour lui de témoigner de son admiration pour les musiciens de la chapelle royale. Saint-Simon. Sans comparaison des lieux ni des choses, la musique de la chapelle était fort au-dessus de celle de l'opéra et de toutes les musiques de l'Europe. Et comme les matines, l'aude et les trois messes basses de la nuit de Noël duraient longtemps, cette musique s'y surpassait encore. Il n'y avait rien de si magnifique que l'ornement de la chapelle et que la manière dont elle était éclairée. Tout y était plein, les travées de la tribune remplies de toutes les dames de la cour en déshabillé mais sous les armes. Il n'y avait donc rien de si surprenant que la beauté du spectacle et les oreilles y étaient charmées. Saint-Simon trouve que les musiciens de la chapelle étaient fort au-dessus de ceux de l'opéra, ce qui resterait à prouver, surtout que dans bien des cas, il s'agissait évidemment des mêmes musiciens. Pour illustrer cette nuit de Noël, une pièce, le premier Noël à la venue de Noël d'un des organistes de la chapelle royale, Nicolas Le Bègue, qui est extrait de son troisième livre d'orgue publié en 1685. Hors de chez le roi maintenant, plusieurs châteaux en Ile-de-France sont mentionnés par Saint-Simon avec de la musique. Je vais en citer deux, Petit-Bourg, tout d'abord, puis Sceaux. Le château de Petit-Bourg était la propriété du marquis d'Antin, fils de Madame et de Monsieur de Montespan, devenu duc d'Antin en 1711. Mais le château est décrit par Saint-Simon avec un grand luxe de détails lors de la visite du roi en 1707. Saint-Simon, la cour y admira, magnificence en tout, musique excellente, jeux, bidets et calèches nombreuses et galantes pour la promenade. En un mot, tout ce que peut étaler la profusion la plus recherchée et la mieux entendue. On remarqua fort aussi le motet de la messe de roi qui convenait à un bon courtisan. C'est très clair chez Saint-Simon, c'est bien indiqué la messe de roi et non la messe du roi, c'est-à-dire en fait une messe qui était digne d'un roi, justement celle où on chantait un motet. Celui-ci aurait pu être soit celui un de ceux que le monarque avait entendu et qu'il appréciait à la chapelle royale, ou alors éventuellement un motet composé exprès pour l'occasion. L'un des endroits les plus cités par Saint-Simon est le château de Sceaux. Et il est étonnant que quand il parle de Sceaux et du couple de Maine, il insiste surtout sur le fait que le couple se ruinait, pour cela lui qui a été endetté à peu près toute sa vie. À l'année 1705, Saint-Simon écrit « À la plus légère représentation, il, le duc du Maine, essuyait toutes les hauteurs de l'inégalité du mariage. Il prit donc le parti de la laisser faire et de se laisser ruiner en fête, en feu d'artifice, en bal et en comédie. Il y eut au fur et à mesure des années une sorte de crescendo des activités scéniques au château de Sceaux que Saint-Simon nomme avec une certaine ambiguïté le palais enchanté de la princesse. Au moment le plus important des grandes nuits de Sceaux à partir de 1714, Saint-Simon s'emporte encore davantage. Sceaux était plus que jamais le théâtre des folies de la duchesse du Maine, de la honte, de l'embarras, de la ruine de son mari par l'immensité de ses dépenses et le spectacle de la cour et de la ville qui y abondait et s'en moquait. En blâmant non sans acharnement les nuits de Sceaux, Saint-Simon n'y a sans doute, qui d'ailleurs n'a jamais assisté, n'a pas perçu l'incroyable émulation artistique de l'activité de la duchesse du Maine. Il semble choqué par ses dépenses somptuaires de la princesse, mais en fait ce qui le scandalise plutôt, c'est qu'elle, une Condé, ne se soit pas condamnée à des activités qui convenaient à son rang, et qu'elle ait cherché à transgresser les règles strictes de la bienséance d'alors. Il n'a pas saisi sans doute le modernisme d'une telle attitude que bien des femmes, on le sait, allaient mettre à l'honneur à l'époque des Lumières. Saint-Simon en campagne militaire, la carrière militaire de Saint-Simon va exactement de 1691 à 1702, où il décide d'arrêter. Il participa à plusieurs sièges et plusieurs batailles. En 1695, peu après son mariage avec Marie-Gabrielle de Lorge, la fille du maréchal-duc de Lorge, Saint-Simon repartit en Allemagne, en campagne. C'était le maréchal de Joyeuse qui commandait l'armée, en remplacement de Lorge, qui venait justement d'être son tout nouveau beau-père, qui était tombé malade. Joyeuse repassa le Rhin, voici ce que dit Saint-Simon. L'armée partit en effet le lendemain 20 juillet et marcha par quatre colonnes, par les bois, jusque dans la plaine de Hockenheim. Le tout sans aucun bruit de trompette, de timbales ni de tambour. La Bretèche, lieutenant général, menait notre colonne. Il entendit quelques bruits de guerre malgré les défenses. Comme on ne gagnait rien à cette sourdine imparfaite, la Bretèche permit tout le bruit de guerre. Marc-Antoine de Charpentier a composé un splendide bruit d'armes comme prélude à l'acte 5 de son David de Jonatas. François Couperin place des bruits de guerre dans sa sonate en triole à Steinkerck, en référence directe à la victoire de Steinkerck du 3 août 1692. Il écrivait aussi un autre bruit de guerre et un combat, sans mentionner une bataille précise, dans sa pièce de clavecin La Triomphante, qui est dans le dixième ordre de son second livre de pièces de clavecin. Donc Saint-Simon nous apprend que l'expression bruit de guerre a une signification très précise, que ce n'est pas un bruit de bataille où on entendait des canons, mais qu'un bruit de guerre, c'était une façon de faire sonner précisément les instruments de guerre. Et je pense que peu de musiciens, quand ils jouent la Steinkerck ou le dixième ordre de Couperin, savent vraiment ça, je crois. Comme d'habitude, Saint-Simon s'amuse aussi de quelques épisodes comiques, dans des circonstances pourtant plus sérieuses, voire beaucoup plus dramatiques que les bals de carnaval. L'anecdote racontée à l'année 1707 se situe lors de la campagne de Flandre et met en scène le duc de Vendôme. Saint-Simon est peu amène envers lui, essentiellement parce qu'il était un bâtard, arrière-petit-fils légitimé de Henri IV et de Gabriel d'Estrée. L'électeur de Bavière, allié à la France, essaya de réveiller Vendôme qui ne voulait rester dormir alors que les ennemis étaient proches. Puységur, à qui Vendôme avait laissé tout le fait de l'armée, Saint-Simon écrit, Puységur prit sur soi de faire sonner Boutsel, d'étendre et charger, puis avertit le duc de Vendôme qui persista à ne vouloir rien croire, mais qui, sachant l'armée prête à marcher, s'habilla enfin et monta à cheval comme elle était déjà ébranlée. Le bout de selle, selon Furtière, on le sait, est le signal qu'on donne aux cavaliers pour sceller les chevaux, et un certain son de la trompette pour avertir la cavalerie qu'il y a ordre de marcher. Jean-François d'Andrieux, enfant prodige à la cour qui avait joué devant la Palatine, qui allait devenir l'un des organistes de la chapelle royale, présente dans les caractères de la guerre, qui ont été publiés d'abord pour orchestre en 1718, puis pour clavecin dans son livre de pièces de clavecin de 1724, un magnifique bout de selle en début de l'œuvre. Donc voici le début des caractères de la guerre, bout de selle et marche, destiné à réveiller le duc de Vendôme. On a aussi des renseignements musicaux à l'étranger, dans ce que Saint-Simon appelle magnifiquement le théâtre du monde, c'est-à-dire en fait l'Europe. J'en citerai qu'un que je trouve très touchant à l'année 1705, lorsque survint à Vienne la mort de l'empereur Léopold Ier de Habsbourg. Saint-Simon. L'empereur Léopold mourut à Vienne le 5 mai sur le soir d'une assez longue maladie sans enfant de ses deux premières femmes. Ce qui est bien étrange, c'est que sentant sa fin approcher, après avoir mis ordre à toute chose, il demanda sa musique qui avait toujours fait son unique plaisir. Il l'entendit plusieurs heures et mourut en l'entendant. Ainsi, cette mort en musique paraît bien étrange à Saint-Simon. Il ne pensait pas à la musique comme un baume, comme un soulagement, comme une aide au moment ultime. Et pourtant, tout près de lui, 10 ans plus tard, Louis XIV, lui aussi, voulut terminer sa vie accompagné de musique. Et la troisième partie de mon petit chapitre sur le règne de Louis XIV, sur la musique dans ce magnifique texte, espèce de journal du roi jusqu'à sa fin, presque au milieu des mémoires, à l'année 1715, Saint-Simon rédige ce texte très élaboré, magnifique témoignage des dernières semaines de Louis XIV, qu'il appelle ce Jupiter mourant, cette formule magnifique qui semble être le titre d'une tragédie lyrique. Cette année-là, on le sait, le souverain partit pour Marly le 12 juin, puis revint définitivement à Versailles le 10 août. Les extraits qui concernent la musique se trouvent entre le vendredi 9 août, donc la dernière journée à Marly, jusqu'au dimanche 25 août, fête de Saint-Louis. À partir du 26 août, le mémorialiste ne fait plus état de musique chez le roi jusqu'à sa fin survenue le dimanche 1er septembre 1715 à 8h15 du matin, je cite Saint-Simon. La chronique de Saint-Simon est détaillée musicalement et elle comble les lecteurs à plus d'un titre. Elle témoigne de la présence des musiciens de plusieurs départements de la maison du roi. Le 13 puis le 14 août, il se fit porter pour la dernière fois à la chapelle royale pour la messe, donc vraisemblablement avec le concours habituel de la chapelle musique. Le 13 au soir fut son dernier souper au grand couvert, donc sans doute là aussi les 24 violons avaient joué, puisque on sait que la musique accompagnait presque toujours les soupers au grand couvert. Le 22 août, Louis XIV ne put assister à la revue de ses gendarmes qui se fit en présence du duc du Maine, puis du duc d'Orléans, accompagné du tout jeune dauphin, le futur Louis XV. La gendarmerie comportait alors 6 compagnies qui avaient chacune 4 trompettes et un timbalier. Et le dimanche 25 août, jour de la Saint-Louis, le texte de Saint-Simon l'a très connu. Voici ce qu'il dit. Le dimanche 25 août, fête de Saint-Louis, la nuit fut bien plus mauvaise, on ne fit plus mystère du danger, et tout de suite grand et imminent. Néanmoins, il voulut expressément qu'il ne fût rien changé à l'ordre accoutumé de cette journée, c'est-à-dire que les tambours et les hautbois qui s'étaient rendus sous ses fenêtres lui donnassent, dès qu'il fut éveillé, leur musique ordinaire et que les 24 violons jouassent de même dans son antichambre pendant le dîner. Mais surtout, pendant ce mois d'août 1715, certains des musiciens de la chambre jouèrent chez Madame de Maintenon, puis chez le roi. Voici un résumé de ces moments cités précisément par Saint-Simon entre le 9 août et le 25 août. Vendredi 9, donc à Marly, grande musique chez Madame de Maintenon. Lundi 12, désormais à Versailles, petite musique chez Madame de Maintenon. Mardi 13, petite musique chez Madame de Maintenon. Mercredi 14, grande musique chez Madame de Maintenon. Jeudi 15, petite musique chez Madame de Maintenon. Vendredi 16, grande musique chez Madame de Maintenon. Dimanche 18, musique chez Madame de Maintenon. Lundi 19, petite musique chez Madame de Maintenon. Mardi 20, soirée comme les précédentes chez le roi, donc sans doute avec musique. Mercredi 21, grande musique chez le roi. Vendredi 23, soirée à l'ordinaire, donc peut-être avec musique, chez le roi. Dimanche 25, musique renvoyée de chez le roi sans avoir joué, je vais en parler plus loin. Les adjectifs « petite » et « grande » indiqués par Saint-Simon et rapportés à la musique ont deux significations. Ils concernent à la fois l'effectif plus ou moins important des musiciens, mais aussi celui des personnes dont la présence est autorisée en fonction de leur rang, comme pour les lever et les coucher du roi. C'est Danjou lui-même qui nous donne cette explication. Il confirme au jeudi 27 septembre de l'année 1714, je cite Danjou, « Il n'y eut hier qu'une petite musique parce que la grande avait été sur l'eau. Aux grandes musiques, le maréchal de Villeroy, le duc de Noailles et le capitaine des gardes en quartier y entrent, mais aux petites musiques, il n'y entre point. » Et je veux revenir sur ce jour du 25 août de cette musique renvoyée de chez le roi. Le texte que je viens de lire est très connu. En revanche, celui qui suit est beaucoup moins connu et en tout cas pratiquement jamais cité, alors que je le trouve magnifique. Voici la suite du dimanche 25 août, Saint-Simon. Il fut ensuite le roi, il fut ensuite en particulier avec Madame de Maintenon, le chancelier et un peu le duc du Maine. Peu après que le chancelier fut sorti de chez le roi, Madame de Maintenon qui y était restée, y manda les dames familières et la musique y arriva à 7h du soir. Cependant, le roi s'était endormi pendant la conversation des dames. Il se réveilla la tête embarrassée, ce qui les effraya et leur fit appeler les médecins. Ils trouvèrent le pouls si mauvais qu'ils ne balancèrent pas à proposer au roi, qui revenait cependant de son absence, de ne pas différer à recevoir les sacrements. On envoya quérir le père Tellier, et cependant, on renvoyait à la musique qui avait déjà préparé ses livres et ses instruments. On le sait, François Couperin écrivit ses fameux concerts royaux pour les petits concerts de chambre où Louis XIV le faisait venir presque tous les dimanches de l'année 1714 et 1715. Alors, pour un claveciniste, un texte pareil, on se dit tout de suite, était-ce Couperin et ses collègues qui arrivèrent chez le roi le dimanche 25 août 1715, à 7h du soir, qui préparaient leurs partitions, leurs instruments, et qui furent obligés de repartir parce que leur souverain avait la tête embarrassée. Saint-Simon dépeint ici d'une façon très subjective un petit instantané de la vie des musiciens à la cour. Pour illustrer ceci, la magnifique sarabande du premier concert royal de Couperin. La période de la Régence, maintenant, avec tout d'abord l'Opéra de Paris. Le rapport de Saint-Simon avec l'Opéra à Paris n'est pas sans ambiguïté. Il en reconnaît l'importance pour son rôle officiel, public, dans la société du grand siècle, mais il l'associe aussi très vite à des mœurs dépravées. Déjà sous le règne de Louis XIV, il mentionne à plusieurs reprises les sorties à l'Opéra de Monseigneur avec sa demi-sœur, la princesse Douairière de Conti, comme à l'année 1699, au moment du séjour à la cour du duc de Lorraine et de la duchesse de Lorraine. Saint-Simon. Le mardi 1er décembre, Monseigneur, qui était à Meudon, y donna à dîner à Monseigneur et à Madame la Duchesse de Bourgogne et à leur suite. Madame la Princesse de Conti y dîna aussi. Il les mena tous à l'opéra. Monsieur y était dans sa loge en haut avec Monsieur de Lorraine. Alors tout cela ressemble un peu à une chronique, un texte officiel, mais que l'on se rassure très vite, il parle de bien autre chose. Ainsi, il explique que ce même Monseigneur n'allait pas à l'opéra uniquement pour assister aux présentations, sa vie privée y trouvait aussi son compte. À l'année 1711, juste au moment où il fait ce grand portrait de Monseigneur au moment de sa mort, voici ce que dit Saint-Simon. « Il eut des maîtresses que le roi ne lui souffrit guère. En leur place, il eut plutôt des soulagements passagers et obscurs que des galanteries dont il était peu capable, et que Dumont et Francine, gendres de Lully, et qui eurent si longtemps ensemble l'opéra, lui fournirent. » Je trouve ces soulagements passagers et obscurs absolument terribles, bien proches du monde de la prostitution, et le rôle trouble joué ici par Dumont et Francine semble assez éloigné de leurs attributions officielles. Lorsqu'il évoque l'opéra, Saint-Simon place quelques faits absolument irracontables par Dangeau ou par le Mercure. Son tableau très personnel des spectacles lyriques à Paris va aller en s'amplifiant au moment de la Régence. Comme le mentionnent les mémoires à plusieurs reprises, Philippe d'Orléans accédait directement de son appartement à sa petite loge à l'opéra. Il disposait à la fois de cette loge privée et d'une grande loge officielle, où par exemple il a accueilli Pierre le Grand en 1717. Pendant plusieurs années, Saint-Simon observa tout ce qui se passait non seulement dans les loges du régent, mais dans bien d'autres aussi. Les salles de spectacle restaient toujours éclairées pendant la durée de l'œuvre interprétée, et cela sans doute peut-être jusqu'à l'invention de l'électricité. Les loges étaient donc visibles et observées de tous. La présence de telle ou telle personne illustre y était immédiatement connue des autres loges, de l'amphithéâtre, du parterre et de la scène. Aussi, le mémorialiste s'intéresse-t-il moins à tel ou tel opéra vu des loges qu'à telle ou telle loge vue de tout l'opéra. Raconté en détail par Saint-Simon, un moment singulier se déroula précisément dans la petite loge du régent en 1717. Le régent voulut amener Saint-Simon à l'opéra pour y parler politique et religion, en l'occurrence l'interminable affaire d'État que constituait depuis 1713 l'acceptation ou non de la fameuse bulle Unigenitus promulguée par le pape. L'attitude de Saint-Simon fut alors remarquable. Il chercha à convaincre le régent que l'opéra n'était pas un lieu pour discuter. Lui qui n'était pas, comme il le dit, un homme de spectacle et de musique, il en vint à reprocher à son ami, grand amateur et compositeur d'ouvrages lyriques, de venir à Paris pour parler et pas pour voir la représentation. En un curieux retournement de situation, celui des deux, ce jour-là, qui respecta le plus l'Académie royale de musique, ne fut pas celui que l'on pouvait imaginer. Saint-Simon. Il me dit qu'il s'en allait à l'opéra et qu'il voulait m'y emmener pour y parler de choses importantes. À l'opéra, monsieur, m'écriai-je, et quel lieu pour y parler d'affaires ? Parlons-en ici tant que vous voudrez, ou si vous aimez mieux aller à l'opéra, à la bonne heure, et demain ou quand il vous plaira, je reviendrai. Il persista, il me dit que nous nous enfermerions tous deux dans sa petite loge, où il allait à couvert et de plein pied tout seul de son appartement, et que nous y serions aussi bien et mieux que dans son cabinet. Je le suppliai de songer qu'il était impossible de n'être pas détourné par le spectacle et par la musique, que tout ce qui voyait sa loge nous examinerait parlant, raisonnant, n'être point attentif à l'opéra. Qu'en un mot, l'opéra était fait pour se délasser, s'amuser, voir, être vu, et point du tout pour y être enfermé à y parler d'affaires et s'y donner en spectacle, au spectacle même. J'eus beau dire, il se mit à la fin à rire, prit d'une main son chapeau et sa canne sur un canapé, moi par le bras de l'autre, et nous voilà allés. En entrant dans sa loge, il défendit que personne n'y entrât, qu'on ouvrit pour quoi que ce pût être, et qu'on laissa approcher personne de la porte. C'était bien montré qu'il ne voulait pas s'exposer à être écouté, mais bien montré aussi qu'enfermé là avec moi, qui n'était pas un homme de spectacle et de musique, il y était moins à l'opéra que dans un cabinet en affaires. L'opéra ne faisait que commencer, nous ne fîmes que regarder un moment le spectacle en nous plaçant, après quoi nous n'en vîmes ni n'en ouïmes plus rien jusqu'à sa fin, tant la conversation nous occupa. Saint-Simon donne dans ce texte une très belle définition de l'opéra qui était fait pour se délasser, pour s'amuser, voir et être vu. À l'instar des autres spectateurs, Saint-Simon trouve normal de pouvoir être vu en train de voir. En revanche, il lui paraît impensable d'être vu en train de parler de choses importantes. En dehors de ses représentations, Saint-Simon critique constamment le régent pour sa trop grande présence au bal qui s'y déroulait. Après la mort de Louis XIV, les bals parisiens se multiplièrent alors et nécessitèrent un service d'ordre important. Des bals publics et payants furent organisés à l'opéra où il était plus loisible de prévenir d'éventuels désordres. Le chevalier de Bouillon, explique Saint-Simon, proposa au régent qu'il y eut trois fois la semaine un bal public dans la salle de l'opéra pour y entrer en payant, masqué et non masqué, et où les loges donneraient la commodité de voir le bal à qui ne voudrait pas entrer dans la salle. On crut qu'un bal public gardé comme l'est l'opéra au jour qu'on le représente serait sûr contre les aventures et tarirait ces petits bals borgnes, épars dans Paris où il en arrivait si souvent. Ceux de l'opéra furent donc établis avec un grand concours et tous les faits qu'on s'était proposés. Le donneur d'avis eut dessus 6000 livres de pension. On fit une machine d'une admirable invention et d'une exécution facile et momentanée pour couvrir l'orchestre et mettre le théâtre et le parterre au même plein pied et en parfait niveau. On le sait, le régent n'adoptait pas toujours au bal de l'opéra une attitude conforme à ses fonctions. Saint-Simon. Le malheur fut que c'était au Palais Royal et que M. le duc d'Orléans n'avait qu'un pas à faire pour y aller au sortir de ses soupers et pour s'y montrer souvent en un état peu convenable. Saint-Simon se sentait investi d'une mission auprès de son ami, vœu pieux. Saint-Simon. J'étais touché aussi d'éloigner M. le duc d'Orléans des pernicieuses compagnies avec qui il soupait tous les soirs, de l'état auquel il se montrait souvent au bal de l'opéra et du temps qu'il perdait à presque toutes les représentations de ses spectacles. Mais c'était précisément ce qu'il attachait au séjour de Paris, duquel il n'y eut pas moyen de le tirer. De François Couperin, La Régente ou La Minerve, et puis une petite pièce de Philippe d'Orléans lui-même, extraite de son opéra Panthée de 1704, un extrait de la Sicilienne que j'ai transcrite moi-même pour le clavecin. Thank you. les bals maintenant à la cour de Philippe V, anciennement duc d'Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV. Saint-Simon partit comme ambassadeur extraordinaire de Paris pour l'Espagne le 23 octobre 1721. Il arriva à Madrid dans la nuit du 21 novembre. Il en repartit le 24 mars 1722 pour retrouver Paris en avril. Il allait signer le contrat de mariage de Louis XV avec l'infante Marie-Anne Victoire de Bourbon, fille de Philippe V et de sa seconde épouse, Élisabeth Farnèse, et il assista aussi aux noces du prince des Asturies, Louis-Philippe de Bourbon, fils de Philippe V et de sa première épouse, Marie-Louise Gabrielle de Savoie, sœur cadette de la duchesse de Bourgogne, avec mademoiselle de Montpensier, l'une des filles du régent. Le long récit de son voyage aux années 1721 et 22, donc presque à la toute fin des mémoires, fourmille d'indications précieuses sur la vie musicale espagnole au temps de Philippe V. Peu après son arrivée dans la capitale espagnole, Saint-Simon se rendit chez le roi pour son noce solennelle le mardi 25 novembre 1721. Et après la signature du contrat, il eut un grand bal. Et là, Saint-Simon indique, peut-être dans des louanges un peu excessives, parce que plus le bal organisé par Philippe V était important, plus sa mission revêtait de l'importance et était magnifique. Voici ce qu'il dit. Saint-Simon, la parure éclatait avec somptuosité, il faut avouer que le coup d'œil de nos plus beaux bals parés n'approche point de celui-là. Mais l'une des surprises de Saint-Simon va être de contempler Philippe V, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans, en train de danser. Saint-Simon, la danse de ce prince, qu'il aimait fort, fut pour moi un grand sujet de surprise. En dansant, ce fut tout un autre homme, redressé du dos et des genoux, de la justesse, en vérité de la grâce. Mais le plus singulier, pour l'ambassadeur extraordinaire, allait venir. Le récit de sa mésaventure d'ancien danseur est d'une très grande lucidité. Saint-Simon. Madame de Robec était dame du palais de la reine. Nous avions autrefois fort dansé ensemble. Apparemment qu'elle le dit à la reine. Aussitôt après avoir dansé avec l'infant, car étant étrangère, elle n'était pas sujette aux règles espagnoles du veuvage, elle traversa toute la longueur du salon, fit une belle révérence à leur majesté catholique et vint me dénicher dans ma reculade pour me prendre à danser par une belle révérence en riant. Je la lui rendis en lui disant qu'elle se moquait de moi, dispute, galanterie. Enfin, elle fut à la reine qui m'appela et qui me dit que le roi, elle, voulait que je dansasse. Je pris la liberté de lui représenter qu'elle voulait se divertir, que cet ordre ne pouvait être sérieux. J'alléguai mon âge, mon emploi, tant d'années que je n'avais pas dansé. En un mot, tout ce qu'il me fut possible. Tout fut inutile. Le roi s'en mêla, tous deux me prièrent, tâchèrent de me persuader que je dansais fort bien, enfin commandèrent, et de façon qu'il fallut obéir. Je m'en tirai donc comme je pus. Les contredanses coupèrent souvent les menuets. Puis la fatigue vient rapidement à la fin de ce bal, et voici ce que dit Saint-Simon. Le bal fini, le marquis de Villagarcia me fit avaler un verre d'excellent vin pur, parce que j'étais fort en sueur à force de menuets et de contredanses, avec un habit très pesant. Donc, avant de faire la conclusion, je voudrais rester un moment sur cette image de Saint-Simon, fort en sueur, à force d'avoir dansé des menuets et des contredanses. C'est une image pour le moins insolite, je pense, du mémorialiste. Hein ? Et comme deux cordes vibrant en sympathie de chaque côté des Pyrénées, peut-être pour un court instant, le mémorialiste fut ici de connivence, presque de mèche, avec son ami Philippe d'Orléans, qui goûtait tant les bals et les soupers à l'opéra. Les mémoires de Saint-Simon, qui sont un constant retour à des temps révolus, se colore dans ce bal en Espagne d'une tonalité presque proustienne, j'ai envie de dire. Peu de gens ont su raconter aussi bien des retrouvailles avec des personnes connues autrefois, Philippe V, Madame de Robec. Dès lors, parabole, cette courte histoire de danse donne à Saint-Simon l'occasion d'écrire des pages d'une rare mélancolie. Avant de conclure, je joue cette pièce de Couperin qui me paraît d'actualité, c'est « Les ombres errantes » de son dernier livre. conclusion, après les ombres errantes, Saint-Simon utilise la musique pour renforcer ses louanges comme ses critiques. C'est vrai à la fois dans ses portraits, par exemple, il est heureux de ce que je disais au début, il est heureux du goût de Louis XIII pour le chanteur Pierre Denière, mais il ne supporte pas le prétendu manque de voix de Louis XIV, comme je l'ai dit aussi dans le début, quand il chantonnait les prologues à sa louange. Ce qui est un peu curieux d'ailleurs de la part de Saint-Simon, quelqu'un qui n'était pas un homme de musique, il trouve non seulement que Louis XIV, à la fin de sa vie, a un bilan mitigé pour son règne, et en plus il chante mal, ce qui est un peu curieux pour quelqu'un qui n'est pas censé être musicien. C'est vrai aussi dans son utilisation très fine d'un vocabulaire issu de la musique pour décrire autre chose. Par exemple, la belle image d'un, je cite Saint-Simon, un succès en Flandre qui tenait de la merveille est très semblable à un changement de théâtre d'opéra, coexiste avec celle plus péjorative d'un raffiné musicien destiné à l'un de ses ennemis, en l'occurrence le duc de Noailles. Et cela est vrai, bien sûr, dans les lieux dont il parle. Il y a ainsi une sorte de géographie musicale chez Saint-Simon qui lui permet également de cautionner ou de blâmer. Chez le roi à la cour, lorsque la musique est au service de Dieu, qu'elle glorifie la monarchie, lorsqu'elle est l'un des plus beaux ornements d'un règne, Saint-Simon en approuve toutes les manifestations, ordinaires, extraordinaires ou particulières. Si quelques dérèglements surviennent, il s'agit plutôt d'anecdotes de cour plaisantes à conter, mais qui ne remettent pas en cause sa légitimité et son utilité. Lors de son séjour en Espagne, la musique est aussi valorisée dans les bals à la cour de Philippe V parce qu'elle cautionne en quelque sorte l'importance et la solennité de son ambassade extraordinaire. En revanche, sortie de chez le roi ou sortie de chez les rois, à Sceaux ou à Paris, cette même musique et les spectacles en général ont au fait de subir les foudres de l'auteur, vite associées à des attitudes totalement déplacées et répréhensibles. Saint-Simon pressent le danger d'une sorte de cour parallèle à Sceaux, et surtout de cette proximité, de cette promiscuité même pourrait-on dire, entre le palais royal, lieu d'habitation du régent, et l'opéra, lieu payant, ouvert à tous, et donc propice à toutes les dérives. Saint-Simon aime que le spectacle se rapproche de la royauté afin de la célébrer, mais, et en cela il est sans doute très visionnaire, il met en garde contre l'inverse. Écrivain, historien, portraitiste, biographe de lui-même, génie enfin et innombrable, Saint-Simon était à même de parler de la musique de son temps, certes différemment d'un Dangeau, d'un Sourche ou d'un commentateur du Mercure. Nous savons tous ici à quel point la musique de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence est difficile à apprécier au sens le plus fort du terme. Alors dans ces lieux magnifiques où elle est plus sonnée, parmi tous les nombreux courtisans, il y avait un auditeur qui n'était peut-être pas toujours très attentif, mais dont l'ouïe était très fine. Ne nous privons pas aujourd'hui d'étudier ces témoignages à la fois inspirés et splendidement indépendants. Merci.